Frau Steinmann, le prix Nobel qui a essayé de soigner son propre cancer. Frau Steinmann est née le 14 janvier 1943 à Montréal, Canada. C'était un spécialiste de l'immunologie à l'Université Rockefeller, New York. Il a découvert les cellules dendritiques sentinelles du système immunitaire et a montré que la science peut exploiter la puissance de ces cellules et des autres composants du système immunitaire pour combattre les maladies. Lorsqu'il a appris qu'il avait un cancer du pancréas, l'immunologiste a testé le travail de sa vie dans son propre corps. Le scientifique a conçu une expérience visant à lutter contre son propre cancer, sachant qu'il n'avait pas assez de temps pour tester ses essais cliniques de la recherche sur les animaux. Il avait été soumis à une extraction de la tumeur qui aigeait l'emporter et former ses cellules immunitaires pour traquer la moindre trace de la tumeur qui avait échappé à la chirurgie. Avec leur expérience, il a survécu à 4 ans et demi après le diagnostic d'une forme de la maladie qui tue souvent la grande majorité des patients en moins d'un an. Lorsque les cellules dendritiques rencontrent quelque chose qui ne produit pas les causes, elles appellent un antigène, un marqueur de physique invasif et les présente aux cellules T et B, chargées de défendre le système immunitaire. Ces cellules A adoptent ensuite les armes pour identifier et détruire les invasifs. La formation des cellules dendritiques de Steinmann pour apprendre leur tumeur a généré une réponse immunitaire vigoureuse à la mésothéline, un antigène tumoral spécifique. En d'autres termes, bien qu'il ait des effets secondaires importants, la thérapie apparemment, lui a permis de travailler beaucoup plus longtemps. Mais au fil du temps, ce n'était pas suffisant. Du moins, pas pour le sauver. Il est décédé le 30 septembre 2011 et il a reçu le prix Nobel de médecine pour sa recherche sur les cellules 3 jours après sa mort. Mais sa recherche se poursuit et aujourd'hui, les scientifiques qui continuent à ses recherches ont un extraordinaire exemple à suivre.